cœur, puisqu'elle est venue dans ta vie. Efface tes années d'ennui, ne trouble pas ton amour par tes cris. Allez, allez, allez, allez mon cœur, puisqu'elle a su te regarder, puisqu'elle a su se faire aimer, pourquoi veux-tu lui résister? Allez, allez, allez, allez mon cœur. Fini les tristes jours où tu cherchais en vain ton chemin. Fini les amours sans lendemain, elle t'attendra toujours la main. Allez mon cœur, tu le vois bien que tous les deux, vous avez tout pour être heureux. Alors dis-le que tu es amoureux. Allez, allez, allez, allez mon cœur. Peur du soleil qui éclairera ton existence. Allez, allez, allez. Pour la première fois, écoute-moi, ne laisse pas passer ta chance. Allez mon cœur, tu peux me croire, c'est mieux ainsi. C'est le destin qui l'a choisi. C'est aujourd'hui que commence ta vie. Allez, allez, allez, allez mon cœur. Allez mon cœur. Allez mon cœur. Allez mon cœur. Allez mon cœur.